La la la la la la la Et oui, la. et Vous voilà. m'avez C'était pourri à ma craindre. matinée, Vizorek, et toute ma journée. Je Il ne n'est pas la pensais pas que seule. c'était possible. Ah, alors expliquez-nous pourquoi, parce que tout le monde n'était peut-être pas là ce matin. Parce qu'à la place de Rebecca Manzoni, il a osé faire passer Michel Thor sur France Inter. Il a osé. Il fait la chronique musicale. Oui, c'est ça. Un C'est grand Jérôme et bonheur la des gens. totale. Eh ben, on vous conseille de la réécouter alors, sauf si vous voulez pas avoir non, cette chanson merci, dans la j'ai en tête. Tête, là, c'est bon. On va essayer de vous mettre autre chose en tête. Je vous remercie. Merci Laetitia Gaillet pour les infos. Le prochain journal à presque 17h17, bien sûr, pour une information complète, sourcée. Et tout de suite, voici comment nous décidons de l'information. Et aujourd'hui, avec beaucoup d'acuité. Hein. Je pense qu'acuité est le mot. C'est parti. Salut les amis, salut Charlie. Bon, alors je vais être très clair, hein. Je sais qu'on est le 1er avril, je déteste ce jour, alors le premier qui me fait une blague... Ne t'assois pas. Trop tard. Un poisson d'avril, du coup. Elle est de qui cette brillante idée de coussin pétard? Elle est de qui? C'est pas de moi, mais un 1er avril, ça passe. Il n'y a pas de mais. Je veux dire, on fait l'émission la plus pointue de France en matière d'humour. Oui. Et vous, le 1er avril, vous faites quoi? Le plus mauvais gag du monde. Non, mais attends, c'est pas moi non plus, mais celui qui a fait ça, il l'aurait jamais fait à l'antenne. Ah, non, jamais. J'espère bien, je veux dire, un bruit de paix sur France Inter. Non. Mais c'est pas le plus mauvais gag du monde, il y a le sodo sur la porte. Oui, c'est vrai. Ce n'est ni Alex ni Guillaume, donc c'est les filles. Oui, mais non. Donc c'est Alex ou Guillaume. Le délit de faciès. L'amalgame en plus, pourquoi ça serait nous? Je vais le savoir de toute façon. Bon, alors les sujets. Il y a Carambar qui redevient français. Ça évidemment, Carambar, ça vous parle. Bah, oui, ça vous parle. Un petit peu votre co-auteur attitré. C'est très méchant, c'est réducteur. Et la blague de Guillaume du coussin péteur était bien meilleure que celle de Carambar. Mais c'est pas moi, je sais même pas où ça s'achète un coussin péteur, moi. Alors, je vais faire comme avec les enfants, hein. Tant qu'il n'y en a pas un qui se dénonce, je ne continue pas. Mais non. Et c'est comme ça, voilà, je vais m'isoler dans mon bureau. Attention la porte! Et le seau, tu savais où l'acheter? Oui, j'ai pris chez Casto. Bonjour Hollywood et ses effets spéciaux. L'invité Harry. Bonjour c'est bon. La France Inter. Bonjour à tous. Vous écoutez l'émission binationale de France Inter puisqu'elle est franco-belge. Et voici les trois actualités qui iront se faire déchoir ailleurs si j'y suis plus. François Hollande a annoncé cette semaine que finalement non quoi. Enfin, c'est-à-dire que la déchéance de nationalité n'aura pas lieu. Et les arguments de François Hollande sont très nets, très clairs là-dessus. Hein. Je ne suis pas de ces gens qui se lancent dans des phrases sans avoir seulement prévu comme ils les finiraient. Quand je commence une phrase, je pense à ma phrase et alors je bondis Nous voilà enfin débarrassés des sacs plastiques à usage unique. Ils seront interdits à partir du 1er juillet. Des sacs en papier sont désormais disponibles dans les supermarchés, mais il faut bien sûr les acheter. On veut bien être gentil, mais pas con. Pour vendre les poires, le panier, la ficelle qui va avec. Hein. Les Américains nous avaient piqué nos bons becs, mais ça y est, le carambar redevient français et surtout aussi la pastille Vichy, d'abord piquée par les Allemands, bien sûr. Mais putain, tu vas la cracher, ta balda. Je suis accompagnée de celui qui lui incarnerait à merveille le prince de Lu, c'est Alex Vizorek. Je vais les racheter, le prince de Lu est belge. Bonjour Charline Vanhoenacker et autour de la table, une belle équipe. À 17h20, elle est de retour, cela faisait 2 semaines qu'elle était partie loin pour réfléchir. Autant vous dire que quand elle réfléchit 10 minutes, je ne la suis déjà plus. Mais alors la 2 semaines, je ne sais pas ce qui va se passer. Bonjour Isabelle Sorens. Bonjour Alex, bonjour Charline. De quoi allez-vous nous parler? Aujourd'hui, je vais vous parler du livre de notre invité. Ah, peut-être une chance que je suive du coup. 17h30, lui ne prend jamais le temps de se reposer. Mais surtout, ne laisse jamais les autres se reposer. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Alors, je me suis intéressé aujourd'hui au PDG de Peugeot qui a doublé son salaire. J'ai demandé aux professionnels de l'automobile si ce Carlos Tavares ne serait pas tout simplement un enfoiré. C'est pas à nous de le juger. Je pense qu'on pose la question dans le mauvais sens. Alors pardon, on se demandera donc si un enfoiré ne serait pas tout simplement un Carlos Tavares. Et à 17h55, il sera là notre chanteur. Celui qui, avec son physique d'allumette, met le feu aux poudres de l'actualité, ce sera Frédéric Fromet. Si tu écoutes, j'annule tout est présent dans un monde virtuel, rappelons-le, hein, sur Twitter, hashtag annule tout, et sur Facebook, devenez notre ami imaginaire. Celui qui a tout annulé pour présider cette émission est né sous Giscard. Vous publiez votre premier roman, Inversion de l'idiotie, en 2002. Et c'est justement l'année de formation de l'UMP. Quel père. Vous connaissez connaissez la consécration avec la délicatesse en 2009 quand un coup d'État éclate au Honduras, toujours le flair. Et vous publiez Charlotte, prix Renaudot d'ailleurs, en 2014 quand Malala reçoit le prix Nobel de la paix. Et vous, vous êtes, je vous laisse nous dire, vous êtes... David Fuenquinos. Ah mais oui, c'est lui. David Fuenquinos. Mais oui, c'est lui. Allez, c'est parti. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. David Fuenquinos, dont le nouveau roman sort aujourd'hui, un 1er avril. Nous avons la primeur, Le mystère Henri Pic, c'est publié chez Gallimard. L'histoire d'un bibliothécaire qui nourrit une bibliothèque tout à fait unique en Bretagne, celle des livres jamais publiés. Oui, alors oui, moi je l'ai faite en Bretagne, mais elle existe vraiment. C'est une bibliothèque des livres refusés qui a été créée par un Américain suite à la lecture d'un livre de Richard Brautigan, qui est maintenant à Vancouver. Donc si vous avez un manuscrit en souffrance, si vous êtes un orphelin de l'édition, que personne ne veut vous lire, ou simplement même un journal intime ou quoi que ce soit, vous pouvez aller déposer ce manuscrit comme une sorte de bouteille à la mer et peut-être que quelqu'un viendra vous lire. Et c'est en découvrant l'existence de cette bibliothèque que vous avez, j'imagine, que la petite graine a été semée pour démarrer. Exactement, j'ai imaginé la version française, donc la version bretonne, au fin fond du Finistère, voilà, un bibliothécaire un peu fou qui décide de créer un espace pour les manuscrits refusés. Et donc, il a toutes sortes de personnes qui viennent, qui traversent la France pour pouvoir déposer leur chef-d'œuvre inconnu ou pas compris chez lui. Et c'est là qu'une jeune éditrice va découvrir un manuscrit extraordinaire qu'elle va tout faire pour publier et qui va rencontrer un grand succès. Justement, ce livre qui va rencontrer un grand succès et qui est épuisé dans cette bibliothèque, il connaît le succès par son histoire finalement, plus que par l'histoire qu'il raconte, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le storytelling, fait qu'il connaît un succès. Donc là, il y a un côté un peu peut-être désabusé dans le constat de la forme et de l'histoire qu'on raconte sur le livre. Non, pas forcément, parce que ça a toujours existé. Je cite pas mal d'exemples dans mon livre, comme celui de John Kennedy O'Toole avec La conjuration des imbéciles, un jeune homme qui s'est suicidé à 31 ans après avoir tout fait pour être publié. Et sa mère a repris le flambeau et a réussi à faire publier le livre qui a été un immense succès après. Justement aussi avec cette histoire, ou comme la photographe Vivane Meyer, qui a été pour moi une grande inspiration pour le récit de ce livre. C'est vrai que maintenant c'est une des photographes les plus cotées au monde, mais on est tous fascinés par sa vie, par l'histoire de l'histoire. C'est-à-dire c'était une nounou, une babysitter qui a jamais montré, qui a jamais cherché à montrer ses photos et qui est maintenant, après sa mort, est devenue culte. Est-ce que vous conseillez aux mauvais écrivains peut-être de se suicider pour éventuellement faire... C'est une idée. Si on croit en la réincarnation, il y a un potentiel, ouais. Il y a un gros potentiel. Paco Rabanne est avec nous jusqu'à 18h. Pourtant, dans le roman Le mystère Henri Pic, vous expliquiez à un moment que ne jamais être publié, c'est pas le pire. Il existe quelque chose d'encore pire, non ? Oui, ça parle effectivement. Parfois, on a comme ça cette nécessité absolue de se dire voilà qu'on va être publié comme une sorte de Graal dans la vie littéraire. Mais c'est vrai qu'après, c'est extrêmement difficile. Il y a la plupart des livres. Moi, j'ai connu finalement le succès avec La délicatesse. C'était au bout de 10 ans. J'ai eu beaucoup de livres qui ont été publiés de manière confidentielle. J'en étais pas du tout malheureux, mais la plupart des livres, finalement, ont assez peu d'écho. Et ça peut être extrêmement violent. Extrêmement difficile. On a un succès avec un livre. Est-ce que les gens ont un regard différent sur les livres qui n'avaient pas eu le succès avant? Ben moi, je les déconseille, franchement. Les vôtres? Non, pas parce qu'ils n'ont pas eu de succès. Oui. Parce que mes premiers livres, moi, je m'en sens vraiment éloigné. Je les trouve trop absurdes. Trop... Bon, peu importe. Donc on vous commence à La délicatesse et on prend ce qu'il y a après. Oui, Alex, oui. Il demandait ça pour ses spectacles. Mais d'une manière, voilà, ils sont en DVD. Mais d'une manière générale, je pense qu'on se sent plus proche de ce qu'on vient de faire. C'est vrai que c'est le reflet d'un moment aussi, d'une énergie, de ce qu'on a au fond de nous-mêmes. Moi, c'est vrai que mes livres ne se ressemblent pas forcément. J'ai toujours été dans une forme d'évolution. J'ai jamais essayé de refaire ce que j'ai déjà fait. Après La délicatesse, j'aurais pu refaire La délicatesse 2, 3. C'est vrai que Charlotte, c'est un livre très très différent. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès, qui a été très important dans ma vie. Mais je suis revenu à quelque chose de plus léger, à une comédie sous forme d'une enquête. Avec des destins qui se croisent un peu. Voilà, il y a un petit côté Lelouch dans l'histoire. Oui, j'adore Lelouch, je ne l'aurais pas vu comme ça. Mais c'est vrai. Non, ce qui m'intéressait, c'était que le fameux livre de ce pic, de ce de ce Henri Pic qui est publié, finalement, modifie la vie de tous les lecteurs qui vont le lire. Il y a quelque chose qui me touche, parce que c'est vrai que ce livre-là, c'est aussi une déclaration à la littérature, à tous les gens qui aiment la littérature. Et j'avais envie, voilà, qu'on soit tous portés par le destin de ce manuscrit extraordinaire, jusqu'au moment où on se pose la question de savoir si c'est vraiment lui ou pas qui l'a écrit. Et ça s'appelle « Les dernières heures d'une histoire d'amour », le manuscrit en question. Oui, c'est la fin d'un couple, l'agonie d'un couple. Et en parallèle, je raconte les dernières heures de Pouchkine. Le mystère Henri Pic, donc, c'est le dernier roman de David Foenkinos qui est avec nous jusqu'à 18h. C'est publié chez Gallimard. Et on va reparler littérature et politique. Et littérature et politique et politique. Louride, vous êtes sur France Inter, vous êtes monté dans le bon train qui est à l'heure, il est 17h20 sur France Inter. Et dans ce train, il y a Isabelle Sorrente qui regarde par la vitre, il y a Guillaume Meurice qui ennuie ses petits voisins, et il y a Frédéric Fromet qui accorde sa guitare pour tout à l'heure, 17h55. Et notre invité, c'est David Foenkinos, il est avec nous pour Le Mystère Henri Pic, publié chez Gallimard, son dernier roman. Isabelle Sorrente va nous en parler tout à l'heure. Et bien en attendant, hier nous étions en grève, donc il y a 2 jours d'informations à rattraper, alors accrochez-vous à votre slip. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. François Hollande a pris la décision d'emmener son chien Philae au toilettage. Non, il a changé d'avis. Il a bien réfléchi et il est revenu sur cette décision. Ah d'accord, bon, très bien. Alors, titre suivant. Voilà. François Hollande a pris la décision de ne plus mettre de gruyère sur ses spaghettis. Non, non plus. Il avait bien réfléchi et il est revenu aussi sur cette décision-là. Ah, voilà. Très bien, voilà. D'accord. Et enfin, François Hollande a décidé qu'il n'y aurait pas de brève. Et non, justement, il est revenu. Il y aura donc des brèves à la fin de ce journal. C'est là qu'on voit que vous êtes belge, parce que le gruyère sur les spaghettis, on va recevoir du courrier. Les Français font pas ça ? Des mentales ? François Hollande a donc renoncé à la révision constitutionnelle. L'Assemblée et le Sénat ne sont pas tombés d'accord. Le Sénat a servi à quelque chose ? Ah oui, oui. C'est fou. C'est dingue. Hein, ça avait été tellement utile, le Sénat, que ça nous a permis de découvrir que 3 sénateurs déclarés morts étaient encore vivants. La chance. Allez, on reste dans la majorité avec le bien-être animal. Suite au nouveau scandale dans les abattoirs, Stéphane Le Foll a déclaré... Il y aura des représentants de la protection animale dans tous les abattoirs de France. Ils vont être bien reçus. Parce que vous croyez que... Ah bah, je pense que c'est une volonté, Stéphane Le Foll, de rétablir le cannibalisme en France. Terrorisme à présent. Oui. Selon le procureur de la République, l'arsenal découvert après l'interpellation du djihadiste présumé Reda Cricket laissait présager une action terroriste imminente. Oui, à ce stade de l'enquête, impossible d'affirmer si Cricket envisageait de s'attaquer à la cigale, mais c'est une des possibilités. International. Oui, les amateurs de jeux de mots font des bons chez eux à la maison. Voilà. Donald Trump a déclaré qu'il fallait punir les femmes qui avortent. Voilà, quant à nous, on est prêt à récompenser la mère de Donald Trump si elle parvient encore à avorter aujourd'hui. Littérature, oui. Le prix Nobel hongrois Imre Keretz est mort à l'âge de 86 ans. Il était notamment l'auteur de Être sans destin. Voilà, le livre de chevet de Nicolas Dupont-Aignan. Musique, Renaud taille un costard aux enfoirés et à Jean-Jacques Goldman, à qui il reproche son manque d'engagement. Oui. Je le cite, jamais on a vu Jean-Jacques Goldman qui a un tel pouvoir et un tel talent dénoncer une injustice. Mais c'est pas vrai. Je suis désolé de vous dire, Jean-Jacques Goldman est engagé, il a même dénoncé des gens. Voilà, c'est... Ah bon ? Ah bah oui, à sa voisine. Bim, elle met du vieux pain alors qu'elle aurait pu mettre du frais. C'est pas de la dénonciation. Ça se dénonce. Ça dénonce, ça dénonce. Sport. Natation, la star française Yannick Agnel pourrait être privée des JO pour une erreur de chronométrage. Ça, c'est pas cool, hein. Selon les images vidéo, il est deuxième, mais selon le chronomètre, il est troisième. Voilà une mésaventure un peu qui est arrivée à Mathieu Valbuena, qui était très bon sur les images vidéo, mais trop lent, hein, selon les chronos. Télévision. Oui, Bernard de la Villardière a révélé dans VSD qu'il avait déjà cogné son fils parce qu'il avait fumé du shit. Ah bah. Faut faire une spéciale. Spéciale. Ouais. Bonsoir à tous. Enquête exclusive, confidence, shit, maltraitance, paternité. C'est tout de suite dans votre enquête exclusive. Ouais, ça donne envie. Ça donne envie. Ça donne envie. Exactement. On termine par de brèves. Oui, l'ex-garde du corps d'Elton John accuse la pop star de harcèlement sexuel. Dans sa déposition, l'ancien agent de sécurité décrit plusieurs agressions. Comme « Dis bonjour à tonton Elton », lui aurait lancé le chanteur en sortant ses parties génitales, alors que les deux hommes se trouvaient seuls en voiture. Voilà, on rappelle que le garde du corps de Monica Bellucci, lui, n'a jamais porté plainte pour rien, d'ailleurs. La dernière. Oui, alors. Selon une étude, un salarié sur trois avoue s'esclaffer aux blagues de son supérieur pour lui plaire. Attends, c'est pas vrai, ça. Ah bon ? Autour de la table, vous n'êtes pas forcé à rire quand c'est moi qui fais des blagues. Allez, on se retrouve lundi. C'est sûr, cette étude, là ? Oui, enfin, sur trois, donc je pense que c'est Guillaume. Mais... Très bien, écoutez-moi, je m'en fiche, je vais poursuivre avec David Fuenquinos. Mais vous ne faites pas de blagues, Charline, vous êtes journaliste. Taisez-vous. Taisez-vous. Écoutez, vous n'êtes pas ma patronne, mais j'ai ri. Voilà. Bref, faillons. David Fuenquinos, c'est un bon camarade. Voilà. On va poursuivre avec lui. On va aborder le premier sujet. Donc, François Hollande renonce à la révision constitutionnelle et donc à la déchéance de nationalité. C'est la faute de la droite. Hein. Ça, on a tous bien compris que c'était la faute de la droite. Oui. Résultat, le président a réussi à fâcher tout le monde et à se ridiculiser. Et là, maintenant, il est tout seul pour se remonter le moral. Situation tragique s'il en est, désespoir, angoisse, envie de vous donner la mort en vous auto-suicidant. C'est clair, vous êtes bel et bien au bord du rouleau. Physiquement, ça va, mais moralement... Sinon, physiquement, ça va. Le principal est de rester en activité et de s'occuper l'esprit. Quoi de mieux, par exemple, que de se confectionner un bon pulse ? Si malgré ça, vous vous laissez envahir par le mélancolisme, rappelez-vous que physiquement, ça va. Je vous préviens, vous allez en bouffer ces prochains jours parce qu'on est retombé sur les faux contacts, ces vidéos du regretté Manu Toro sur la RTBF. Voilà, donc, avec ce rire, n'en oublions pas le sujet qui est donc le... Voilà, il y a un petit... Voilà, ils ont changé d'avis. C'est des choses qui arrivent. Hein. Bon, écoutez, David Fuenquinos, est-ce que vous êtes soulagé, vous, finalement, que la déchéance de nationalité soit abandonnée ? Bah, ils ont changé d'avis, en même temps, ils n'avaient pas vraiment le choix. Je pense. Et là, ça allait vraiment, c'était au bout de l'impasse. Tout à l'heure, vous avez utilisé Darry Cole pour illustrer cette info. L'argumentation construite ouais, voilà, de François Hollande. Mais en même temps, je trouve que c'est vraiment pas drôle. Parce qu'on était au départ sur un sujet tellement important d'union nationale. Et ça a été, même sur des sujets où tout le monde est d'accord, il arrive... ils arrivent quand même à créer une dissension, ce qui est extraordinaire. Ouais. Et là, franchement, c'est au bout du pathétique et heureusement qu'on arrête ça. Et c'est vrai qu'on voit bien là l'œil du romancier qui voit les choses depuis le début, c'est-à-dire, c'est vrai, les attentats, l'Union nationale, et puis arriver à tout détricoter. Mais imaginez une réunion de cabinet où avec tous les conseillers, ils se disent, bon voilà, on est tous d'accord là, même la droite est avec nous, faut qu'on trouve quelque chose, c'est pas possible. C'est comme s'ils ont écrit un scénario du pire. Et ils sont allés, ils se sont entêtés, et ça a duré 4 mois. Et vous vous rendez compte par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux victimes, par rapport à... Enfin, je sais pas, c'est tellement absurde comme débat. Mmh. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de choses. Les gens sont très déçus pour beaucoup de choses. Mais je pense que ça marquera peut-être le moment le plus sinistre, finalement, d'un point de vue politique du quinquennat. Mais est-ce que vous étiez favorable à la déchéance de nationalité ? Pour moi, ça n'avait aucune importance. Comme plein de gens, en quoi ça pouvait changer le destin d'un terroriste de se dire s'il allait perdre ou pas la nationalité française? C'était absolument ridicule. Évidemment, c'est important d'avoir des symboles, d'avoir des débats sur des enjeux philosophiques ou sociologiques, mais là, on est dans l'action. On est dans la nécessité de se battre, de réagir, et ça me paraissait complètement absurde. Et donc là, 4 mois de débats intensifs, je pense qu'il n'y a pas eu un seul jour où il n'y avait pas des articles dans la presse, donc ça a fait couler beaucoup d'encre et décimer beaucoup d'arbres, et au bout de toute cette presque diarrhée verbale de presse, ou je ne sais pas comment le dire, tellement c'est absolument fou. On s'est pris pour la Belgique. C'est-à-dire... Oula, attention là, mon petit bonhomme. Oula, attention avec les insultes. C'est-à-dire, là, vous allez trop loin. Mais non, parce que pendant 2 ans, je crois qu'il y a eu une sorte de flottement. Il y a eu en Belgique. Vous parlez de la période sans gouvernement. C'est celui qui dit qui est déjà. Hein, j'ai essayé de voir si on avait le droit de s'amuser avec la Belgique. Mais j'aurais dit ça sur le carambar, sur tous les autres sujets. C'était prévu. À un moment donné, vous pouvez dire une connerie sur la Belgique. Qu'est-ce que ça dit peut-être de notre société, de la France aujourd'hui et de la presse, c'est-à-dire cette espèce de hamster qui tourne dans la roue pendant 4 mois pour finalement rien du tout. C'est assez symptomatique du fait que finalement. Les décisions politiques ou même l'engagement politique est complètement déconnecté de ce qui devrait se passer et ce qui devrait être ancré dans la réalité. Ah pardon, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais les Français étaient plutôt favorables à la déchéance. Mais tout le monde était favorable, mais ça prend 2 jours. À la limite, voilà, le problème n'était pas, on ne parle pas du fond. Moi, je n'ai pas dit que j'étais contre le fond, j'ai dit que ça n'avait aucun intérêt. Mais évidemment, tout le monde, plus ou moins, tout le monde était pour d'entrée. Alors moi je vais me faire l'avocat du diable aussi, du double diable. Mais c'est-à-dire que en fait, est-ce que c'est pas bien des politiques qui écoutent et qui se disent en fait on a fait une connerie, on la retire. Mais le problème c'est pas ce qui se passe vraiment, il me semble. Ouais, c'est pas c'est-à-dire ça, que les députés de droite étaient tous pour, donc c'était pas du tout contre le décret qu'ils se sont progressivement réunis pour se battre contre cette déchéance de nationalité. C'est contre la manière, c'est contre la façon dont ça a été présenté. Finalement, la version du Sénat est différente de la version de l'Assemblée, donc ils ne peuvent pas se réunir en congrès, et donc il n'y a aucun accord politique à ce sujet. Il abandonnait, il va pas forcer. Je peux vous dire qu'il abandonne tout. Il paraît que François Hollande utilise une application pour compter ses pas. On ne sait pas si c'est pour avancer ou pour reculer. Je pense que ça marche aussi. On l'abordera dans une prochaine émission, peut-être. C'est un sujet intéressant. Isabelle Sorrente, vous êtes connectée et bien connectée les deux pieds sur terre à la réalité, n'est-ce pas ? Je vais essayer un petit peu. Alors, David Fuenquinos, vous nous offrez un roman qui est un hommage à la littérature, puisqu'il y a une intrigue, j'ai trouvé, moi, très borgésienne, qu'on ne va pas dévoiler, mais j'ai été enthousiasmée. Je pense que vos lecteurs le seront comme moi. Une intrigue très borgésienne, vous voulez dire. C'était juste pour placer le mot borgésienne, non, c'est-à-dire que ça m'a rappelé certaines nouvelles de Borges, parce que d'abord, Borges adore les bibliothèques. Et puis aussi parce qu'il y a... Là, je ne veux pas vous dévoiler la fin, mais je trouve que la fin ouvre sur un mouvement infini qui est extrêmement sympathique. Donc c'est borgésien. C'est pas Mallarmé du tout. Écoutez, là, vous me perdez, Guillaume. D'accord, excusez-moi, continuez, pardon. Laissez-moi un petit peu terminer cette chronique. Donc, on est enthousiasmé par le couple que forme Delphine, donc une jeune éditrice dynamique, et son compagnon Frédéric, qui est un écrivain qui n'arrive pas à percer. Alors, donc, je ne dévoile pas, mais on croise dans votre roman des personnages de fiction, et ils cohabitent, ça c'est très sympathique, avec des journalistes et des éditeurs qui, eux, sont bien réels. On croise François Bunel ou Olivier Nora. Mais ce qui est fascinant, c'est bien sûr cette bibliothèque des livres refusés, donc que vous situez au cœur de la Bretagne. Une bibliothèque qui accueille tous les manuscrits dont les éditeurs n'ont pas voulu. Donc vous citez dans un chapitre des exemples de refus célèbres. Vous venez de parler de La Conjuration des imbéciles, hein, ce roman désopilant dont l'auteur est mort, s'est suicidé à 31 ans parce que personne ne voulait de son bouquin. Vous citez aussi Proust, hein, qui a publié, on le sait, Du côté de chez Swann à compte d'auteur, après son refus par André Gide à la NRF. Alors il paraît qu'il y avait quand même des jalousies, c'est ce qui dans les analyses de ce refus. Et puis on pourrait en citer d'autres comme ça, hein, il y a Sa Majesté des Mouches de William Golding, Abattoir 5 de Kurt Vonnegut. Il y a beaucoup de très grands chefs-d'œuvre dont les auteurs ont essuyé des dizaines de refus avant d'aboutir à une publication. Alors que le livre de Vizorek a trouvé assez facilement. Ah, immédiatement, oui. C'est peut-être parce que c'est des brèves. Hein. Alors, qu'est-ce qui fait au fond qu'un texte auquel un éditeur dit non, la vie, le destin ou le hasard vont finalement lui dire oui, le garder en mémoire pour qu'il rencontre son public parfois des siècles plus tard? Alors voilà, moi j'ai eu envie de relier votre livre, David Fuenquinos, à ce mystère qui fait qu'une œuvre parvient jusqu'à nous, quitte à se frayer un chemin par des voies mystérieuses. Alors, allons directement au XIIIe siècle. Prenez par exemple une mystique comme Marguerite Porrette, l'auteur du Miroir des âmes simples et anéanties. Son livre a été jugé hérétique par l'Église et Marguerite Porrette a récidivé et cette fois-ci on l'a brûlé en même temps que son bouquin. On pourrait croire que ce livre aurait disparu. Pas du tout, il y a des gens, des inconnus qui vont le recopier, le lire en secret, s'en inspirer, le garder dans une bibliothèque et le manuscrit finira par être redécouvert et enfin attribué à son auteur dans les années 60. Alors, dans un autre genre, vous avez le même exemple pour le Marquis de Sade. Vous imaginez le contexte, Révolution française, c'est le bordel total, lui, il hurle, il est à la Bastille, ici, on égorge les gens, il engueule sa femme parce qu'elle n'a pas sauvé ses manuscrits, alors il faut dire que la pauvre en a gros sur la patate et n'a pas très envie de s'occuper de sauver les manuscrits de monsieur. N'empêche qu'il finit ses jours à Charenton et les rouleaux des 120 journées de Sodome vont être sauvés par des gens anonymes, pareil que, alors pas, peut-être pas le même profil que les moines du XIIIe siècle qui ont sauvé le bouquin de Marguerite Porrette, et ça va être gardé par des collectionneurs dans des bibliothèques, etc., pour arriver jusqu'à nous. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'il y a comme une chaîne secrète d'anonymes qui sont touchés par les manuscrits refusés, par les livres interdits. Et finalement, ces inconnus prennent le risque de les sauver. Et l'exemple le plus bouleversant sur lequel je voudrais terminer cette chronique, c'est celui d'Eti Ilsoum, la jeune écrivain juive qui écrit, c'est une phrase de la dernière lettre qu'elle envoie à ses proches, « Le Seigneur est ma chambre haute ». Et d'où Eti Ilsoum envoie-t-elle cette lettre magnifique et écrit-elle cette phrase? Elle écrit du wagon où elle est assise, dit-elle elle-même, chargée de sac à dos, du wagon où elle est assise et qui va l'amener au camp d'Auschwitz. Alors, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'homme ou à la femme inconnue qui a ramassé cette lettre d'Eti Ilsoum jetée par le train et qui l'a portée à ses destinataires restés aux Pays-Bas, hein, la lettre qui clôt le petit bouquin que vous trouvez aux éditions, je crois, c'est Point Seuil. Et voilà votre livre, David Fuenquinos, ça célèbre les mystères des livres refusés. Ça interroge aussi le pouvoir de la communication à l'heure où le fond se fait un peu trop rare. Et je crois qu'on peut être optimiste en vous lisant et aussi optimiste en se disant que les textes perdus en apparence sont des vies mystérieuses qui utilisent les humains pour se laisser retrouver. Isabelle Sorante. Merci, hein, très belle chronique et très juste par rapport à ce pouvoir et à cette nécessité d'aller réconforter finalement les œuvres en souffrance et, oui, de les faire vivre coûte que coûte. Oui. Mais c'est vrai que moi, mon livre finalement, après, le livre de Pic devient un tel phénomène qu'on va glorifier le refus. Il y a un éditeur qui va chercher un ouvrage refusé par tout le monde et il va publier le livre avec un bandeau marqué « Un roman refusé 32 fois ». Et puis après, Jacques Lang va créer la journée des auteurs non publiés. Et donc, finalement, il va avoir comme ça toute cette chaîne de ces romans qui ne trouvent pas forcément de destinataire. Et finalement, le plus important, c'est d'exprimer ce qu'on a en soi et de le faire partager. Et donc, l'océan des textes refusés qu'on peut retrouver tout cet univers dans le dernier roman de David Fuenquinos, Le mystère Henri Pic, c'est publié chez Gallimard. Restez avec nous à suivre Guillaume Meurice, qui va s'occuper du cas Carlos Tavares et son salaire. Et Frédéric Fromet, vous êtes sur France Inter. can't tell you how.